طيب بسم الله الرحمن الرحيم أمس أخذنا حديثين من يحفظ واحدا منهما تفضل الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده نعم أحسنت أحسنت الثاني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده إيه والده والناس أجمعين والناس أجمعين أحسنت محمد تحفظه ما تحفظه غيره طيب قال الشيخ قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب حلاوة الإيمان chapitre la douceur de la foi قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم donc c'est encore un hadith d'Anas d'après le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit ثلاث قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان trois choses celui qui les trouve aura certes trouvé la douceur de la foi أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que tout autre. نعم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله et qu'il aime la personne sans toutefois que cet amour ne soit pour autre que Allah Azza wa Jal. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كما يكره أن يقذف في النار. Il déteste retourner dans la mécréance comme il déteste que on le jette dans le feu. نعم. وكذلك هذا الحديث من أصول الدين. Donc ce hadith aussi fait partie des hadiths qui sont des bases dans la religion. نعم. فكل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا وجد في القلب ازداد حلاوة الإيمان وإذا نقص من ال يعني وإذا نقص ذلك في القلب نقص من تلك الحلاوة. Donc, toutes ces choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquées dans ce hadith, si elles se trouvent dans le cœur, cela va multiplier la douceur de la religion et son agréable goût chez celui qui détient ce cœur. Naam. Et si toutefois ces choses-là, elles sont manquantes ou elles sont en baisse, cela baissera la douceur de la foi que peut trouver cette personne. Naam. Naam. An yakuna Allah wa rasuluhu ahab ilayhi mimma siwahuma. Tayyib, hal mahabbatullah wa mahabbatur rasul sawa? Est-ce que l'amour d'Allah, ou que tu dois avoir pour Allah, et l'amour que tu dois avoir pour le prophète, elles sont égales? L'amour d'Allah, elle est égale à Allah. Et on ne peut pas aimer une autre personne comme on aime Allah. Qu'on aime Allah, naam. Et comme on avait évoqué Ams, l'amour du prophète, sallam, c'est pas un amour pour sa propre personne. Mais c'est un amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'avoir. Et c'est un amour, en vérité, on l'aime par rapport au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a aimé. Il l'a choisi. وَرَفَعَ قَدْرَهُ وَجَعَلَهُ عَلَامَةً لِمَنْ أَرَادَ الْوُسُولِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de lui un signe et une indication pour celui qui veut atteindre ou qui veut arriver à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Dis, si toutefois vous aimez Allah, suivez-moi donc. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Suivez-moi donc, Allah vous aimera donc, Allah vous aimera ainsi et vous pardonnera vos péchés. نعم. قال شيخ العثيمين في شرح هذا الحديث الإيمان له حلاوة. Donc la foi possède une douceur. وليست حلاوة حسية يذوقها أو نعم يذوقها بلسانه. Et ce n'est pas une douceur ce n'est pas une douceur perceptible. C'est-à-dire, on l'aperçoit par la langue. Non. Non, ce n'est pas une douceur perceptible par la langue. وَلَكِنَّهَا حَلَاوَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ يَذُوقُهَا بِقَلْبِهِ. Mais c'est une douceur que tu peux percevoir par ton cœur. C'est-à-dire, elle n'est pas percevable par les outils sensoriels, la vue, l'odorat ou quoi. C'est une douceur que tu ne peux ressentir que par le cœur. Mafoum ? Naam. Wa huwa at-taladdudh bil-iman wa inshirah as-sadr bil-islam wa at-tuma'nina wa ma ashbaha dhalik. Et en fait, ce n'est autre que le fait d'avoir un cœur munsharih. D'avoir un cœur munsharih bil islam. Wa at-tumanina, et d'avoir une tranquillité. Wa fi'lan ya ikhwa, nahnu rubbama li kathir minna yani naghfal 'an hadha al-janib. Yani yamurru bina ibtila'at wa fitan wa tamhis. Wa bi fadlin min Allah 'azza wa jalla نمشي يعني في هذه الفتن ونمشي في هذه الأمور بهدوء وسكينة وما نعرف أن هذا من ذاك يعني c'est-à-dire on est éprouvé. Certains parmi nous, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'islam, ou ça fait depuis qu'ils sont petits qu'ils sont dans l'islam, ou certains ça fait un moment qu'ils ont staqam, qu'ils sont mis dans le droit chemin. Ils se rendent pas, ils oublient ce genre de hadith et ce genre d'affaires, le fait que يعني si ton cœur il est apaisé avec l'islam, c'est-à-dire de par la religion de l'islam, ça déjà c'est un bienfait et ça montre que tu trouves une douceur avec cette religion. Sinon wallahi law nanzur ila al-kuffar kam minhum ma hum murtahin, malgré qu'ils ont des amwal, malgré qu'ils ont de l'argent, malgré qu'ils ont des biens, malgré qu'ils ont des enfants, malgré qu'ils ont des femmes, tu vois qu'ils sont pas mutma'in, ils sont pas tranquilles. Ils sont pas apaisés. كل يوم في قلق كلهم في هموم ما عندهم انشراح بتاتا ونحن نمر باشياء كثيره هذا يمرض ربما اهله تمرض واولاده يمرضون وفقر وجوع وربما هؤلاء حرب وذا يعني امور شتى وفتن شتى ومع ذلك يضحكون ويتبسمون ويتناصحون ويتصابرون. Et malgré que toutes ces épreuves elles touchent les croyants, tu vois que ils arrivent encore à plaisanter, à rigoler entre eux, à s'enjoindre à la patience. Tandis que le kafir ما هو بهذا يعني ما هو من هذا الأمر بشيء بل إذا أصابه شيء من الابتلاءات يسرع إلى قتل نفسه ربما. Il se dépêche à tuer sa propre âme s'il voit qu'il est dans une épreuve chadide. أما تجد هذا يصبر على ربما على المرض سنين وهو ما زال عرفنا واحدا في دماج كان مبتلي بالشياطين الجن وكان يتنقل من بيت إلى بيت يعني il avait pas de maison à lui. Ça veut dire qu'il faisait des locations. Il louait une maison là. Après, dès que c'était fini la période, il allait dans une autre maison. Et subhanallah, tellement il était éprouvé, cette personne-là, par les shayatines, qu'une fois, ils ont brûlé sa maison. Yani, kharaj, hu, ma fi ahad fil bayt. Ma fi ahad. Kharaj, wa raja' wa yida bi baytihi tashkhil al-nar. Fiha. Subhanallah. والاخ يعني مبتلي غايه يعني الى يو دي زمور avec les chiatines يعني شيء عجيب ومع هذا ترى هذا الاخ يتبسم في وجهك ويقول لا لا هذا قدرا من الله عز وجل معي ذنوب معي اشياء ربما الله سبحانه وتعالى ما يحصها الله سبحانه وتعالى يطهر ربما بهذه الكلام بهذه الابتلاءات فانظروا الى انشراح الصدر كيف يطلع بصاحبه وفعلا الذي يعرف أن الخلق كلها بيد الله عز وجل يطمئن كان الحسن البصري يقول تركت الحزن والتفكيرات لما عرفت الله عز وجل j'ai laissé la tristesse ainsi que le fait de penser des fois tu veux penser à ton futur mais comment ça va se passer tu penses tu fais des prévisions عرفت حسن البصري دي جي ديليسي تو سا لورسكو جي كوني جي ابري ا كونيتر الله عز وجل ان الموضوع بالدقه القدر الذي قدره يعني هو يعني قدره يعني بدقه عجيبه الى سو ديكري د الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ديكريتي افيك اون بريسيزيون انورم اون بريسيزيون انورم يعني كل شيء يعني بالملي بالسنتي كما يقولون Chaque chose est faite à un centième près, ou même plus précis encore. Na'am. Yaskurun anna ja'a ila nabi Allah Suleyman malak al-maut. Kama kana 'adatuh. Yani c'est évoqué je crois dans Tafsir Ibn Kathir ou autre que malak al-maut il avait l'habitude de visiter ce nabi Allah Suleyman. طيب فجاء عند سليمان في حضور ملك الموت عنده جاء أحد الوزراء. يا نوم كي venu parmi les وزيرs comment je dirais ouais parmi les ministres de Suleyman qui sont venus qui sont présentés à Suleyman pour un quelconque besoin. فملك الموت نظر إلى هذا الرجل نظر إليه تعجبا وهذا الوزير ينظر إلى ملك الموت وما يعرف أنه ملك الموت فيقول ليش ما ينظر في كذا فملك الموت خرج مشى فلما ملك الموت مشى سأل هذا الوزير سأل سليمان قال من هذا ينظر في بنظرة عجيبة فأجابه سليمان قال هذا ملك الموت فلما سمع أنه ملك الموت خاف هذا الوزير خاف فقال لسليمان أرجوك يعني نادي الريح وأرسلني إلى أبعد الأماكن ما أجلس في بلد رأيت فيها ملك الموت il dit je te demande de me faire partir avec le vent le plus loin possible je veux pas rester dans un pays où j'ai vu l'ange de la mort عرفت ففعل سليمان وأرسل الريح وأخذوا هذا الشخص رجع إلى سليمان ملك الموت donc l'ange de la mort il est revenu voir سليمان il lui a expliqué il lui a dit كنت متعجبا من هذا الشخص je m'étonnais de cet homme là et c'est pourquoi je le regardais longuement je me suis étonné Parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de reprendre son âme dans une contrée ba'id, dans un laps de temps très court. C'est-à-dire peut-être une heure, peut-être deux heures. Un temps qui était moustahil pour qu'il se trouve là-bas. Et lorsque il a demandé à Suleyman de l'envoyer avec le vent, c'est là qu'il l'a trouvé à l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala il lui a ordonné de prendre son âme. Na'am. Fal kullu shay bi qadar. Kullu shay bi qadar. La laysa ma'na annana natruk al-'amal, natruk al-asbab. Ça veut pas dire ça qu'on laisse on se laisse aller, on fait pas de asbab. Bal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma 'urida lahu dhalika qala i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lah. Mais au contraire, quand les compagnons ils ont demandé au prophète, Idan, si tout est écrit, on n'a qu'à laisser les œuvres. Le prophète, il a dit, non, œuvrez, car chaque personne sera facilité ce pour quoi il a été créé. Idha kunta min ahli an-nar, fa'amaluk, yani muyassarun li dhalik. Wa idha kunta min ahli al-jannah, fa'amaluk muyassarun li dhalik. Na'am. Fa halawat al-iman laha fawa'id jamma. Le fait de trouver la jouissance de dans la foi, c'est un bonheur, azim. Ant mahbous fi sijn, tajid halawat al-iman. Ant yani fi umour sa'ba ma'a al-aqarib, tajid halawat al-iman. Ant fi makan yani farid, fi ba'id yani makan ba'id, wahdak, tajid halawat al-iman. Fa fi'lan الشخص إذا قام بهذه الأمور يجد حلاوة الإيمان أتم ما يكون. Donc celui qui يعني حلاوة الإيمان, la douceur de la foi, tu la trouves même si tu es en prison, même si tu es tout seul dans un endroit perdu, même si tu es au milieu de tes proches et tu es avec eux dans des affaires qui sont صعبه. حلاوة الإيمان تنفعك في كل شيء, تنفعك في كل مكان. La douceur de la foi, elle te sera utile dans tout endroit et à tout moment. Na'am. Wa hiya allati tusabbib al-inshirah as-sadr. Et c'est cette chose qui provoque l'élargissement de la poitrine. C'est-à-dire que tu es ghayr mudayyiq, que tu n'es pas serré. Na'am. Tayyib, qala wa mimma yakadu al-insan يعجز عن تصوره لأن هذا من الأمور المعنوية القلبية التي لا يمكن أن تصورها. Donc là, il dit que c'est-à-dire la douceur de la foi, on peut pas l'imaginer vraiment, on peut pas la qualifier. C'est un truc معنوي. C'est une chose non sensorielle. C'est-à-dire c'est معنوي, on peut pas la qualifier. نعم وللإيمان حلاوة حتى إن الإنسان بعض الأحيان يجد حلاوة الإيمان. انظروا يدي إلى la foi, elle a certes une douceur et à certains moments tu la sens bien, tu sens que c'est la douceur de la foi. وفعلا لما تكون في الابتلاءات بشتى أنواعها وتجد أنك منشرح الصدر تسمع القرآن وتهدأ وتسمع ربما الأشرطة العلمية وتهدأ وتسمع نصيحة من أخ وتهدأ وينشرح الصدر. هذا كله من هذا القبيل. Donc tout ça rentre dans le انشراح الصدر. Le fait que par exemple t'es dans une quelconque épreuve, t'entends un verset, t'entends une cassette d'un dars ou quoi, ou t'entends un conseil et tu vois que ta poitrine t'enchérit. يعني تطمئن تهدأ تحس بهذه النعمة حلاوة الإيمان. نعم. طيب قال وبعض الأحيان تضعف هذه الحلاوة. Et à certains moments cette douceur elle faiblit. نعم. حسب ما يكون في القلب من التعلق بالله عز وجل والاتصال به. Et tout ça, ça dépend de la relation ou du lien qu'il y a dans le cœur avec Allah Azza wa Jal. Fa halawatu al-iman laha alama. Donc, halawatu al-iman, elle a des signes. Le premier, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. جعلنا الله وإياكم كذلك آمين نعم دونك il dit que le premier des signes de la tendresse de la foi ou de la douceur de la foi c'est que tu aimes Allah et son messager plus que tout autre نعم أن يكون الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فيعظم الله ورسوله أكثر من تعظيم غيرهما ويطيعهما ويطيعهما أكثر من طاعة غيرهما وهكذا. Et donc c'est quoi le fait que tu aimes Allah plus que tout autre ainsi que son messager tu l'aimes plus que tout autre c'est-à-dire que tu les honores plus que tu honores quelqu'un d'autre. Et tu leur obéis plus que tu obéis à quelqu'un d'autre. نعم. ثانيا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والمعنى أن لا يكون سبب محبته لهذا المرء سبب آخر. Et donc au sujet de la parole qui dit que tu aimes la personne d'un amour qui est purement pour Allah Azza wa Jal, ça sous-entend que yani, tu n'aimes pas cette personne pour une toute autre raison. La li malihi, wa la li qarabatih, wa la li jahe, wa la li shay min dhalik. Tuhibbuhu lillah, fa hasb. Wa hadha, yani, amrun azim, mahabbat al-shakhs, لله عز وجل فلا يحسن إليك بشيء ربما ولكن أنت تحبه le fait d'aimer une personne pour Allah عز وجل c'est vraiment quelque chose de عجيب parce que tu peux aimer une personne qui t'a jamais fait de bien elle t'a jamais fait de bien mais tu l'aimes pour Allah عز وجل لأنك تراه أنه يقوم بعبادة الله وأنه يقوم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. Parce que tu vois que il accomplit l'adoration d'Allah عز وجل et il accomplit aussi son obéissance. نعم. Toutes ces choses-là te poussent à l'aimer. فإذا كان كذلك فهذا هو عين المحبة في الله عز وجل. وهناك حديث من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وماذا وعاد في الله فقد استكمل الإيمان وهذا يضاف إلى هذا الحديث يا حديث كي دي celui qui a aimé pour Allah qui a détesté pour Allah qui a pris en allié pour Allah et qui a pris en inimitié pour Allah celui-là a donc parachevé sa foi Celui-là a donc parachevé sa foi. نعم. فمحبة الشخص لأخيه المسلم من الإيمان. Ça fait partie de la foi. نعم. طيب. قال مثل أن يحبه طيب. أن لا يكون سبب محبته لهذا المرء سبب آخر مثل أن يحبه لقرابة أو يحبه لصداقة أو لإحسانه إليه أو ما أشبه ذلك نعم كل هذا فلا بحيث تكون محبته لهذا الرجل ليست لأي شيء موجب للمحبة إلا لله. Donc en gros toi tu aimes cette personne et il y a aucune cause qui suscite ton amour en vérité si ce n'est Allah عزّ وجل. وهذا حاصل في المسلمين حاصل متحصل. Ça c'est vraiment une chose qu'on constate dans la religion de l'islam d'une manière عجيب. تروح في أي بلدان ربما ما تعرف الشخص وإذا بك تحبه لما ترى كيف يصلي أو لما ترى كيف ماذا لما ترى يلبس الثياب يعني على السنة وكذلك يترك لحيته مثل هذه الأشياء تحبه بمجرد ما ترى ولا تعرفه نعم فهو أكيد أكيد أكيد نعم. بلا شك بلا شك المحبة تختلف والمحبوب كذلك. فليس محبة العلماء كمحبة غيرهم من الصالحين، وليست محبة الشهداء كغيرهم يعني من الصالحين، وليست محبة الصالحين كمحبة الفساق. أصلا محبة الفساق ممنوع. المرء مع من يحب يوم القيامة. La personne elle est avec celui qu'elle aura aimé يوم القيامة. كيف؟ même si les musulmans. أنت يعني لا نحن نتكلم عن يعني المحبة الكاملة ليس نفي المحبة. عرفت؟ بلا شك أن هناك إذا كان فاسق ولكن مسلم له من المحبة على قدر ما يقوم من الإسلام، لكن هل هي محبة كمحبة الصالحين؟ لا. نعم. دونك لا محبة l'amour que tu dois avoir pour une personne, si toutefois elle est dans des péchés, tu dois d'avoir de l'amour pour cette personne en fonction que du moment qu'elle est dans l'islam. Naam. Mais maintenant, hein? C'est un amour qui est restreint. C'est un amour qui est restreint et c'est pas le plus haut degré de l'amour. Tu peux pas aimer un kafir pour Allah. Non. Il y a l'amour naturel, mais c'est pas l'amour. هذه محبة طبيعية. عرفت؟ كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لي من؟ لأبي طالب على قول، حتى بعضهم لما فسروا الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بعضهم قالوا من أحببت هدايته، celui que tu aimes sa guidée، c'est pas celui que tu aimes يعني شخصيا. Certains ils ont dit que c'était une mahabba tabi'iyya naturelle. Et certains autres, ils ont dit non, c'est même pas une mahabba tabi'iyya. Le prophète sallam, il n'a pas aimé Abu Talib. Innama le verset, il montre comme quoi il a aimé sa guidée. Naam. Araftum. Ala qawl. L'amour naturel, ça existe. Naam. Annak tu aimes. C'est pour les proches parents, tout ça, les parents. Voilà, mes parents. Voilà. Naam. Mais il ne faut pas que cet amour naturel il te pousse à désobéir à Allah Azza wa Jal. Araft? Sinon, si il te pousse à désobéir à Allah Azza wa Jal, فهذا محبة طبيعية صارت محبة ماذا؟ شركية. شركية. عرفتم؟ نعم. وكنا نريد أن نقول شيئا نسيت. كنت أريد أن أقول شيئا نسيته. يعني كان في بالي شيء مهم جدا نسيته. الله المستعان. خير إن شاء الله. فنعم خير ما أذكره. طيب وقوله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هل هذا خاص بمن كان كافرا ثم أسلم، أم أن المراد أن يكون كافرا وإن كان لم يجر عليه الكفر؟ طيب دوك لا au sujet de la partie du hadith qui dit et qu'il déteste retourner dans la mécréance après en avoir été il déteste retourner dans la mécréance comme il déteste qu'on le jette dans le feu de l'enfer. Naam. Cheikh Al-Uthaymeen يقول est-ce que cela concerne celui qui était mécréant avant ou même celui qui est né dans l'islam et rentre dans ce hadith? Or seulement. نعم ايش قال هل هذا خاص بمن كان كافرا ثم اسلم ام ان المراد ان يكون كافرا وان كان لم يجر اي نعم كما ذكرتم يعني سي بور تو المون نعم الظاهر الثاني يعني كم كوا ce n'est pas spécifique à ceux qui étaient, celui qui était mécréant, ثم أسلم. وهو أن المراد أن يكون كافرا وإن كان لم يجر عليه الكفر. نعم. Donc le but de, c'est-à-dire de cette partie du hadith, c'est en gros qu'il déteste la mécréance. Même si toutefois il n'a jamais été de leur nombre, comme il détesterait le fait d'être jeté dans le feu de l'enfer. Wa inshallah il hadith baqiya wa ila huna wa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jamal, ida, عندك أسئلة؟